إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on est au cours numéro 7 aujourd'hui dans le livre النقد منهج الشرعي et c'est l'explication du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله du livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali Al-Farq bayna al-ta'yir wa bayna al-nasiha wa al-ta'yir, la différence entre la nasiha et l'insulte. Et on explique maintenant une autre livre, c'est l'explication d'un chapitre de l'imam dans le livre de l'imam al-Nawawi, le livre de Riyad al-Salihin, le chapitre dans lequel l'imam al-Nawawi explique qu'est-ce qui est permis dans Al-Riba, c'est-à-dire Al-Nasiha en réalité. Le Cheikh, il continue donc là où on avait laissé la dernière fois. قال الإمام النووي رحمه الله ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك ومجاورته. قال الإمام النووي. Donc l'imam al-Nawawi, le Cheikh Rabi', il cite les paroles de l'imam al-Nawawi parmi les cas dans lesquels c'est permis de faire al-riba, c'est-à-dire de donner le nasiha, de mentionner qu'est-ce que quelqu'un n'aime pas en son absence. Parmi ces cas-là, il y a le cas où quelqu'un, par exemple, demande un conseil ou consulte quelqu'un au sujet d'une personne qui s'est présentée pour demander la main d'une fille en mariage. Ou bien dans une situation où, par exemple, quelqu'un veut, disons, devenir partenaire dans une affaire commerciale avec quelqu'un. Et toi, tu as besoin de savoir des informations sur cette personne qui veut être ton partenaire. Donc, tu vas te renseigner à son sujet. Ou bien que ce soit par rapport à n'importe quelle autre transaction, ou même dans les questions de voisinage, comme si par exemple tu as l'intention d'acheter une maison ou un appartement, puis tu veux savoir à propos des gens qui habitent à côté, est-ce que ce sont des personnes qui sont correctes ou non. Donc dans des cas comme ça, c'est permis pour un musulman de révéler ou de dire aux autres personnes, de dire à la personne qui consulte, les défauts des gens qui sont en train de se présenter ou qui demandent au sujet duquel on a demandé. C'est permis de dire à cette personne-là les défauts des gens pour qu'ils puissent être, disons, conseillés à ce sujet-là, pour qu'ils fassent un bon choix, une bonne décision. Parce que si tu caches la vérité que tu connais des défauts de cette personne, mais ça peut, disons, faire tomber cette personne-là dans des problèmes, dans des mauvais choix, dans des mauvaises décisions, puis toi tu portes une part de la responsabilité de ça parce que tu as caché la vérité. Hein. Donc si tu sais que quelqu'un est malhonnête, ben tu le caches parce que soi-disant tu as peur de faire al-riba, tu as peur de parler dans le dos soi-disant de la personne, ben, c'est quelque chose qui est complètement incorrect de penser comme ça. D'accord ? Donc le cheikh maintenant il va expliquer. Il dit فأنت تريد أن تسهر تسهر أو تسهر. En tout cas, le mot ici ça a rapport avec al-musahara comme on a vu tout à l'heure. C'est C'est-à-dire que quand quelqu'un veut demander quelqu'un en mariage, une femme veut, quelqu'un veut demander une autre personne en mariage, il a شخص, hein, وتتزوج, hein, تتزوج من عنده, فتذهب إلى إنسان يعرفه تماما وهو ثقة عندك, فتقول له ما رأيك في فلان, لأنه أتى يريد الزواج من أختي وأنا لا أعرفه فانصح لي, فإذا كان فيه عيوب تقول له فيه كذا وكذا, وكأن يكون بخيلا أو يكون ضرابا للنساء أو مطلقا أو مطلقا, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui divorce souvent ses femmes, وكذابا أو تذكر أي عيب موجود فيه مما لا يصلح للمصاهرة, لأنها تلاحم لأنها تلاحم فتبين ما فيه وما يجوز كتمان ولا يجوز كتمان شيء من ذلك أبدا ولا يلزمك من ذكر شيء من حسناته أبدا لأن المقام مقام تحذير ونصيحة. Donc il donne l'exemple justement de la question, le cas du mariage. Quand quelqu'un, par exemple, il vient pour dire qu'il veut marier ta sœur ou ta fille ou ta quelqu'un de ta famille, et donc il vient te demander. Et donc toi tu vas, hein, moi on va dire, moi je vais, il vient me demander ma sœur ou ma nièce ou ma fille, et moi je viens te voir, hein, je vais voir Mohamed et je dis qu'est-ce que tu sais de cette personne. Et là, donc toi c'est ton devoir maintenant de me dire, parce que je te considère comme étant quelqu'un de fiable, hein, de me dire c'est quoi ton opinion ou qu'est-ce que tu penses de cette personne. Parce qu'il est venu pour se marier avec ma sœur ou avec une des femmes de ma famille, et je ne sais pas grand chose à son sujet, je ne le connais pas bien. Alors donne-moi le nasiha à son sujet. Et donc toi, si tu connais des défauts dans cette personne-là, tu vas me le dire. Comme si tu sais qu'il est avare, ou qu'il est quelqu'un qui frappe les femmes, ou qui divorce les femmes, ou qui est menteur. Alors tu mentionnes ces choses-là. Et si tu sais par exemple qu'il a un défaut quelconque, alors tu le mentionnes. D'accord? Peu importe quel défaut ça peut être, qui a rapport avec le sujet du mariage. Et c'est pas permis pour toi de cacher ce que tu sais de cette personne-là. Et tu n'es pas obligé de mentionner les qualités de cette personne à ce moment-là. Parce que le but ici, c'est pas de parler du bien de la personne, mais de mentionner justement ce qui pourrait, disons, être négatif de la personne pour que la personne sache réellement dans quoi elle risque de s'embarquer, tu vois. Parce que si tu fais juste mentionner les bons côtés, ou tu mentionnes des bonnes qualités, alors que la personne elle a des problèmes, elle a, c'est à la personne par la suite de faire son choix. C'est la personne à, par la suite de décider. Hein? Après, il dit إنسان يريد مشاركتك في مال أو مضاربة أو غيرها كتجارة أو زراعة أو غير ذلك, فتسأل ما رأيك في فلان, فيقول يا أخي أنا صحبته ورأيته لا يصلح للمشاركة, عنده خيانة أو تهاون أو إهمال أو كذا وكذا, فيبين العيوب التي فيه ولو عيبا واحدا لا بد أن يبين هذا, وإلا يكون خائنا وليس بناصح, وكذلك يريد أن يودع عنده شيئا من المال فيبين له, وإن كان أمينا يقول أمين, وإن كان غير أمين يقول غير أمين, وعنده كذا وكذا. Donc c'est des cas où il faut expliquer aux gens la vérité au sujet des personnes qui veulent faire des affaires avec toi, que ce soit des commerces ou autres. Tu dois leur expliquer la même chose que pour le cas qu'on a mentionné pour le mariage. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que des fois, quelqu'un vient te demander au sujet d'une autre personne, et toi t'es gêné, parfois tu peux être gêné de dire à la personne les défauts de cette personne-là. ou des problèmes que cette personne-là a dans son caractère ou dans son comportement, parce que tu as l'impression que tu es en train de faire quelque chose de mal, ou tu as l'impression que tu es en train de parler dans son dos. Et donc, à cause de ça, tu vas cacher certaines informations qui peuvent être importantes et bénéfiques pour cette personne. Donc, c'est très important de dire ce que tu sais. Toutefois, c'est comme le shérif dit, si tu sais que la personne est honnête, tu dis honnête. Si la personne elle n'est pas honnête, tu dis non, il trompe, il ment, ou telle autre chose. Tu rajoutes pas des choses, par exemple. Tu vas pas inventer là des défauts que la personne n'a pas. Et si tu sais pas du tout, tu dis je sais pas. Tu comprends? Quelqu'un te demande à propos de quelqu'un, tu le connais pas la personne. Tu dis je connais pas, je sais rien. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose si tu sais rien. Tu dis je la connais pas assez pour te dire quoi que ce soit. Hein? Tout ce que je sais d'elle, c'est du bien. C'est tout. Ou bien tout ce que je sais d'elle, c'est telle ou telle chose. Mais tu vas pas rajouter. Puis tu dis pas en ignorance aussi. D'accord? Donc, c'est très important. Tu dois pas dire du bien d'une personne faussement, comme si la personne, tu sais qu'elle est mauvaise, puis tu inventes. Tu dis, ah non, elle est bien, tu caches. Puis il y en a des gens qui font ça des fois. Ah non, elle est bien, c'est une bonne personne, alors que tu sais que c'est pas vrai. Ça, c'est une forme de trahison. Puis tu dois pas non plus inventer du mal contre une personne, alors qu'elle est bien. Tu sais qu'elle est bien. Ou si tu sais rien du tout, ni du bien, ni du mal, alors tu dis rien. Tu dis, je sais rien, je sais pas. D'accord? Donc ça, c'est les différentes situations. Parce qu'il y en a qui disent, aujourd'hui, il y en a qui ont l'impression ou l'idée que al-aslu fil muslim al-amana wal-husn al-dhan. Il y a des gens qui disent ça, qu'à la base, le musulman, il est honnête et fiable. Tu dois, si tu sais pas de défaut à propos d'une personne, tu dois le considérer bon, puis honnête. Et que c'est comme s'ils disent, tu te bases sur le principe qu'à la base, il est correct, tant que tu as une preuve du contraire. Puis, ils se basent sur l'idée aussi que c'est comme il faut avoir des bonnes pensées au sujet de ton frère, husnuzan, et des choses comme ça. Toutefois, c'est pas ça, c'est des choses qui sont pas nécessairement des principes ou des règles, disons réelles des fois. Parce qu'à la base, l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit inna l'insana kana zaluman jahula. L'être humain à la base, il est injuste et ignorant, comme Allah il dit dans le Coran. Donc au contraire, même des fois, il faut comprendre la règle dans l'autre sens. C'est que, à la base, l'être humain, parfois, il est ignorant et injuste. Et tu dois, disons, rester sur tes gardes au sujet des gens jusqu'à preuve du contraire, que la personne est honnête. Et en particulier à notre époque, parce que il y a tellement de gens qui sont malhonnêtes et qui trompent les autres, même au nom de l'islam parfois, donc il faut faire attention. Okay. الشيخ يزي وقال الآن قال النووي رحمه الله ومنها إذا رأى je commençais à lire mais il y a quelque chose qui me venait à l'esprit c'est surtout comme si quand on se convertit à l'islam on voit tout en comme on dit en rose hein, on voit tout en rose on voit tout beau et on imagine que tout le monde est correct et que depuis quelqu'un est musulman, ça veut dire tu peux lui faire confiance avec ta vie, hein, comme on dit. Mais il faut pas être naïf, faut pas être trop naïf aussi puis imaginer des choses. Il faut faire attention. قال النووي رحمه الله ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يكون يقصد النصيحة فهذا لا بد منه في كل مكان أن يكون قصده النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك أي قد يكون الإنسان ليس عنده بدعة وليس بفاسق ولكن الحسد يحمله على أن يرمي هذا العالم بفسق أو بدعة حسدا له، فهذا حرام وظلم وجور. وإذا كان فعلا فيه بدعة وخشي على هذا الذي يدرس عليه، أو كان فاسقا وخشي من هذا الذي يدرس عليه أن يتأثر بأخلاقه، فعليه أن ينصح، ويكون قصده بذلك وجه الله تبارك وتعالى وإبداع هذا الطالب عن الشر كما قال. Donc le cheikh ici il dit, l'imam al-Nawawi rahimahullah il dit, et si tu vois une personne qui cherche la science, le fiqh ou d'autres connaissances de la religion, et qu'il va continuellement, qui retourne continuellement chez un mubtadi', quelqu'un qui a une bid'a, ou quelqu'un qui a des péchés graves, qui fait des péchés ouvertement, et tu vas pour faire apprendre de l'islam de cette personne-là, et que tu crains que celui-là risque d'être affecté par les bid'a et les péchés de cette personne, alors donne-lui la nasiha et explique-lui la réalité de l'état de cet individu-là, avec condition que ton intention soit de lui donner le bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est obligatoire en tous les cas, qu'il faut que tu aies l'intention que ce soit une nasiha, que ce soit sincère, que tu le fasses pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de donner le bon conseil. Et donc ça c'est une chose sur laquelle, au sujet de laquelle il y a beaucoup de gens qui se trompent. Et parfois une personne peut être poussée par la jalousie, hein, et le shaitan peut parfois le tromper, hein, dans cette affaire-là. C'est-à-dire que la personne en question, l'individu en question, le cheikh ou le professeur ou la personne qui lui enseigne à cet élève-là, il n'a pas vraiment de bid'a et il n'a pas de péché, mais à cause de la jalousie, il commence à accuser cette personne ou ce savant ou ce cheikh de péché ou de bid'a alors que c'est pas vrai. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un fait ça par jalousie et qu'il accuse un cheikh ou un alim d'être en train de faire des bid'a ou qu'il a des péchés alors que c'est pas vrai, mais il fait ça par jalousie pour essayer de rabaisser ce cheikh ou des choses comme ça, alors ça c'est une injustice et c'est haram de faire ça. Mais s'il craint réellement d'une bid'a et qu'il craint que cette personne soit affectée par ce cheikh qui enseigne des bid'a ou qu'il a réellement des péchés graves, hein, et qu'il craint que cette personne-là soit affectée par celui-là, par son mauvais comportement, alors là, dans ce cas-là, il doit lui donner le nasiha et l'informer au sujet de ce mauvais comportement-là, au sujet de ce péché-là, ou au sujet de cette bid'a. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pour pas justement que cet élève-là se soit trompé et qu'il tombe dans le mal, donc pour qu'il puisse s'éloigner du mal. شيخ الذي قال ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها. شيخ من النت وعليكم السلام ورحمة الله من النت عن بعد بقي أمران من الأمور التي تجوز فيها الغيبة، منها المجاهر بفسقه، ومنها التعريف كالأعمى والأعرج. donc il dit il y a deux autres cas qui restent parmi les exemples que l'imam al-Nawawi avait mentionnés, parmi les six. Le premier c'est al-mujahir bifisqihi, c'est-à-dire celui qui fait des péchés graves devant tout le monde qui n'a pas de honte. Celui-là, c'est pas un péché de mentionner son péché devant les gens, ou bien de dire à d'autres son péché, tant que c'est pour une nasiha. Il dit aussi « wa ta'arif », comme par exemple, il y a des gens qui ont eu des surnoms parmi les savants de l'islam ou d'autres personnes, comme si par exemple, il y en a qui ont été connus comme « al-a'mash »,« al-a'raj »,« al-a'ma », l'aveugle, « al-ja'hif », oui, « al-ja'hif », ça veut dire celui qui est exorbitant. Ok, d'accord. Donc, al-jahiz, ok. Donc, l'aveugle, celui qui a al-jahiz, mais al-jahiz, c'est un mu'tazili. Non. Non, je comprends. Donc, les ulama, ils ont expliqué que si la personne est connue par ce nom-là, puis elle n'est pas connue par d'autres choses que ce nom-là, si tu le mentionnes, dans ce cas-là, c'est pas un péché, c'est pas grave. Mais sinon, c'est pas permis. Tu dois pas le mentionner par des noms comme ça parce que c'est une forme de riba. Oui, des choses comme ça. Ben, c'est ça. Si, comme ça, c'était des gens qui étaient connus par ces noms-là. Si c'est des gens qui ne sont pas connus, acceptés par ces noms-là, dans ce cas-là, oui. Mais sinon, non, t'as pas le droit. Tu comprends? Parce que tu dis le gros ou des choses comme ça dans leur dos, c'est quelque chose qui les blesse. Hein, c'est quelque chose qui est mauvais. Donc tu dois pas parler de cette façon-là à leur propos. Le cheikh il donne des exemples. Après, ben il donne un autre exemple. Il dit: وقال ومنها أن يكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها أمير أو قاض أو شيء من هذا إما بأن لا يكون صالحا إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك أي تولى أمرا من أمور المسلمين كمنصب كبير يتوقف عليه مصالح أو مفاسد فإذا كان غير كفء فتقول للمسؤول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر أن ينحيه ويأتي بأصلح منه للمسلمين فعليك أن تأتي إلى هذا الوالي الذي فوقه وتقول فلان لا يصلح لهذه الولاية وإذا كان en tout cas on va expliquer cette partie là après on va continuer. Le cheikh il dit parmi les cas que c'est permis de faire de parler de mentionner les défauts d'une personne en son absence dans le but de faire un nasiha, c'est le cas où il y a une personne qui a, disons, un ministère ou quelque chose qui a rapport avec un poste important dans la société, qui a une grande responsabilité, mais qui n'est pas capable de remplir ce poste ou ce rôle-là ou cette responsabilité-là comme il se doit. Donc, comme par exemple un maire, le maire d'une région, ou bien un juge, hein, quelqu'un qui a un poste très important, qui a une grande responsabilité. Le cheikh il dit donc, si tu sais que c'est une personne qui n'est pas apte à faire ce travail-là, ou bien qui est une personne pervers, qui est pas correcte, qui fait des péchés ouvertement, ou bien qui est complètement inconscient, indifférent, alors c'est important pour toi, ou c'est obligatoire pour toi dans un cas pareil, de le mentionner. C'est-à-dire, d'aller voir la personne qui est au-dessus de son supérieur, hein, d'aller voir son supérieur, et tu dis à son supérieur ce que tu sais à son sujet, et tu lui expliques que cette personne-là n'est pas la bonne personne pour avoir ou pour occuper cette position-là, pour telle ou telle raison, et tu mentionnes tes preuves et tes explications, hein, parce que ça fait partie de an-nasiha, d'accord? Donc, si tu caches ce que tu sais à ce sujet-là, ben c'est comme si tu trahis les musulmans, d'accord? Et le cheikh dit: وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي جَائِرًا أَوْ جَاهِلًا فَيَقُولُ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ وَجَائِرٌ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ وَإِذَا كَانَ أَمِيرًا فَتَقُولُ جَائِرٌ أَوْ جَاهِلٌ أَوْ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَسْتَرِيحُ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ وَيُوضَعُ بَدَلًا مِنْهُ من يكون أنفع للمسلمين وأحفظ لأموالهم ودمائهم وأعراضهم لأن مثل هذه المناصب تتعرض فيها أموال الناس ودمائهم وأعراضهم لشيء من الخطر فقد يكون هذا الظالم يسفك الدماء ظلما وعدوانا وقد ينتهك الأعراض وقد يفعل ويفعل بما يضر المسلمين فعلى من يعرف منه هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إلى السلطان فوقه أو إلى من هو فوقه غير السلطان من هو أصغر من السلطان ولكن فوقه ومن بيده أن يعزله ويجعل بديلا منه أن يخبر بهذا حتى يستريح الناس من شره ومن أذاه ومن بيده ويأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, si tu sais qu'un juge est injuste et, ou ignorant, ou les deux ensemble, et qui n'est pas apte à ce poste, hein, et, ou bien un maire, ou le responsable comme un ministre ou un député, hein, tu sais qu'il n'est pas correct, alors tu sais qu'il amène beaucoup de mal pour les musulmans, et que c'est donc ton devoir de mentionner ça à la personne qui est supérieure à lui, ou qui est au-dessus de lui, comme par exemple au dirigeant du pays, au chef du pays, ou bien à celui qui est plus haut que lui, même si ce n'est pas le dirigeant, pour qu'il, disons, enlève cette personne, ce juge ou ce maire, de cette position-là, et qu'il le remplace par un autre qui est plus juste, ou qui est moins corrompu. Hein? Et donc, parce que ces juges-là et ces gens-là qui ont rapport avec ces responsabilités-là qui sont très importantes, eh bien, c'est des positions ou des postes qui ont des liens avec le sang des individus et leur honneur et aussi leur bien. Donc, si tu te tais et tu caches la vérité à ce sujet-là, alors là, dans ce cas-là, tu risques d'amener beaucoup de mal pour les musulmans. Et donc, tu vas, comme il dit, le cheikh, il dit, tu vas à la personne qui est au-dessus de cette personne-là et tu expliques ce que tu sais à ce sujet-là pour qu'il puisse être remplacé. Bien entendu, dans le cas où, dans les situations où c'est possible de faire ça. D'accord? Le cheikh dit, هذه النصيحة تذهب بها إلى من هو فوقه ليزيله. ولا تجلس على المنبر وتخطب على الطريقة الجاهلية الموجودة الآن كما حصل من الذين يتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشهرون بالولاة ويطعنون فيهم كما فعل بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ويطعنون فيه وأكثر ما يقولونه أكاذيب وافتراءات كما يحصل من أهل الفتن الآن أكثره أكاذيب وافتراءات وتجسيم الأمور تجسيم لأمور صغيرة يجسمونها ويبالغونها أو يبالغون فيها حتى تصير مثل الجبال من الضخامة وكثير منها متفعل لا حقيقة له ولا وجود له هذا طريق أهل الفتن. Donc le cheikh il dit, donc cette nasiha, tu vas l'amener à celui qui est au-dessus de cet individu-là, que ce soit le juge ou que ce soit un maire ou quelque chose comme ça, tu vas à celui qui est supérieur à lui en position ou en degré. Mais tu ne vas pas t'asseoir sur le minbar, hein, comme certains font aujourd'hui parmi les ignorants, qui s'assoient sur le minbar, commencer à faire une khutbah pour parler contre les ministres, contre les députés, contre les dirigeants, commencer à mentionner à toute la population les fautes et les erreurs qu'ils ont faites. Mais celui qui fait ça, il n'a pas fait le bien. Et il dit que c'est ça ce que certains font aujourd'hui au nom de ce qu'ils appellent l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'exposer ces dirigeants-là ou ces responsables-là. Hein? Ils vont sur le minbar et ils disent devant tout le monde, dans la mosquée ou en public, un tel juge a fait ça, il a dit ça, et aujourd'hui avec les journalistes aussi qui font des choses comme ça aussi. Ils essaient d'essayer d'espionner les gens, de les suivre, et puis de fouiller dans des informations pour essayer pour essayer de découvrir lequel a fait telle ou telle chose malhonnête, puis après ça, ils mettent ça en première page dans le journal, ou bien les autres qui se disent des islamistes ou autre chose, ils vont sur le minbar et ils font la même chose que ces journalistes-là, mais dans la mosquée au nom de l'islam. Et donc, le cheikh, il dit que ça, c'est exactement la même chose que ceux qui ont tué Othman ibn Affan, le troisième khalifa, c'est exactement ça qu'ils avaient fait. C'est-à-dire, ils ont commencé à inventer des histoires à son sujet, à propos de Othman ibn Affan, ils ont dit, ah, il était ici, il faisait ci, il faisait ça, il était injuste, et tout, alors que, comme le cheikh il dit, la grande majorité de ce qu'il disait était totalement faux, et que c'était des mensonges, mais, qu'est-ce que ça a amené comme conséquence? Ils se sont, un groupe d'ignorants parmi ces gens-là, se sont tous réunis autour de la maison de Othman ibn Affan, et puis ils l'ont tué, hein, à cause de choses de ce genre. Et donc, ça, c'est la voie des gens de Bid'a aujourd'hui, qui utilisent cette méthode-là. Et ils veulent faire la fitna. Donc, ils rapportent toutes sortes d'histoires mensongères. Et des fois, ils prennent des petites choses qui sont vraiment pas graves, mais ils les grossissent, hein, et ils font des montagnes avec. Comme on dit, faire un grain de sel. Comme avec une montagne avec un grain de sel ou quelque chose comme ça. Non, c'est une expression que les gens disent ici. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ils exagèrent au sujet des petites choses et puis ils en font des grosses affaires. Hein, et puis souvent, comme on dit, c'est des mensonges. Et donc ils font ça juste pour faire la fitna. Donc ça, c'est pas la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et le cheikh il dit maintenant, أما كلام من يتكلم على حكومة السودان فهذا كله من ناحية البدع التي فيها والضلالات التي فيها وتحريفها للإسلام ومحاربتها للحق وأهله فمن هذه الناحية وما عليه حكومة السودان من التعاطف مع الروافض ومن علاقاتها أو من علاقتها باليهود والنصارى ومن تشجيعها لبناء القبور ومن تشجيعها للمنكرات والضلالات هذا يجب أن يعرفه الناس لأن شبابنا مخدوع يسمع دجاجلة يلمعون ويمدحون دولة السودان ويقولون إنها دولة إسلامية وإنها نواة للخلافة الإسلامية ويلمعون ويمدحون دولة أفغانستان ويقولون إنها دولة إسلامية وأنها نواة للخلافة الإسلامية بينما هي أبعد الدول عن دين الله ولا يمكن أن تحوم حول هذه الأمور وحول هذه الخيالات التي تداعب كثيرا من الشباب المساكين يقولون إنها ستقوم دولة إسلامية في أفغانستان أو ستقوم الخلافة الإسلامية تنطلق من السودان وهذا كله أوهام فارغة لأن ما قام على الفاسد لا ينتج إلا الفساد وما قام على الباطل لا ينتج إلا الباطل فهذه الدول قامت على الباطل وقامت على البدع وعلى الضلالات فدولة أفغانستان أولا فتحت كابل بحراب الشيوعيين وثانيا حصلت خلافات بينهم ومصارعات على الكراسي فقط لا لمصلحة الأمة ولا لمصلحة الإسلام ولا للحكم بما ولا للحكم بما أنزل الله ولا شيء من هذه المقاصد وإنما حول الكراسي ومن يعتلي فوق هذا الكرسي ومن يتحكم في رقاب الناس ودمائهم وأموالهم فهذا يريد أن يغلب على الكرسي وهذا يريد أن يغلب وحصلت مذابح فتحالفوا مع الشيوعيين كلا الجانبين ضالع ومتحالف مع الشيوعيين ومع الباطنيين ومع الروافض ومع العلمانيين ومع كل أهل الملل والنحل فهل يرجى من خير وراء مثل هذه الأوضاع ومثل هذه الحكومات وقيل هذا الكلام حين كان يحكم أفغانستان حزب إخواني يصارعه على الحكم حزب إخواني آخر اوكي دونك لا الشيء في غض dans un autre sujet en fait et puis avant d'expliquer en français pourquoi il parle de ça, avant d'expliquer ce sujet-là, je vais expliquer pourquoi le cheikh il parle de ça. Et il parle du fait qu'on a mentionné qu'on ne mentionne pas sur le minbar les péchés et les erreurs des différents dirigeants. Hein, et on ne mentionne pas ces choses-là parce que ça c'est pour faire la fitna, contraire au manhaj des salafs. Toutefois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gouvernements, il y a certains pays comme le Soudan, et l'Afghanistan à une certaine époque, quand ils ont dit qu'ils allaient, soi-disant, appliquer l'islam, établir un État islamique, mais là, l'État qu'ils ont établi, c'était pas basé sur ni le tawhid, ni sur la sunna. Donc, ces gens-là, ils faisaient plein de choses qui sont contraires au Coran et à la sunna. Et donc, c'était des groupes, bien entendu, ou des gens qui ont pris le pouvoir dans certains pays musulmans, qui étaient reliés aux gens de Ikhwan al-Muslimin, ou à la secte des Ikhwan al-Muslimin, frères musulmans. Donc, on entendait toujours des gens parmi les musulmans qui glorifiaient ces pays-là, et qui disaient ça c'est les meilleurs pays, c'est des gens, c'est des États islamiques, etc. Il va y avoir un khilafa islamique qui va partir de ces pays-là, etc. Et ils grossissaient l'affaire, alors qu'en réalité c'est contraire à la vérité. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, les gens qui ont pris le pouvoir sont sur le manhaj des Ikhwan al-Muslimin. Et eux, leur manhaj, c'est quoi? C'est de faire des relations et de se réunir avec les juifs et les chrétiens. Ils acceptent les gens de Bida, les gens de Soufi, et ils font des rapprochements avec les Shia Rafida. Ils acceptaient de construire, même ils encourageaient la construction des bâtiments ou des dômes sur les tombes pour ceux qui adorent les tombes et des choses comme ça. Et donc ça c'est des choses qui ont rapport avec le shirk et qui ont rapport avec les bid'a. Et on voit que donc ils encouragent ces choses-là qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Et donc c'était important pour les ulama, pour les du'at, qui appellent au Coran et à la Sunna, au tawhid, d'expliquer aux musulmans les mensonges et les faussetés que ces du'at-là cachent au sujet de ces pays-là, pour pas que, disons, ils soient trompés à croire que qu'est-ce qu'ils sont en train d'établir, ça part à Yannick, pour pas qu'ils pensent que qu'est-ce qu'ils sont en train d'établir, c'est réellement des États islamiques. Parce qu'il n'y a pas d'État islamique ou un pays islamique, excepté si c'est basé sur le tawhid et la sunna. Si quelqu'un dit qu'il va établir un État islamique ou un pays islamique, et puis qu'il enseigne, il encourage le shirk et les bédards, alors là on voit que, yani, qu'est-ce qu'il établit, c'est pas un État soi-disant islamique ou un khilafa, comme ces gens-là prétendent. Et donc c'est ça ce que le cheikh il dit. Il dit, celui qui parle du parce que yani, j'écoutais l'autre jour une cassette de Tariq Ramadan. Subhanallah, il était à l'île Maurice, je pense, ou à la Réunion, une des deux. Et il parlait, il disait, lorsque quelqu'un vous donne des informations sur un gouvernement, il faut vérifier l'information, il ne faut pas croire tout ce qui est dit dans les médias. Et donc il a commencé à défendre le Soudan, et à dire des choses pour dire qu'il ne faut pas accepter ou croire en ce qui est dit contre le Soudan, d'accord? Et quand il a parlé de l'Iran dans une autre cassette, il a glorifié l'Iran, il a dit c'est un pays démocratique. Je sais pas si c'est le ministre, la première ministre ou l'adjoint, c'est une femme qui est celle qui s'occupe du sport et du ministre, le ministère des sports ou des trucs comme ça, c'est une femme. Donc il essaie de glorifier le pays pour montrer, regardez, c'est un pays qui met une femme en une position importante et ils ont un système démocratique. Il n'a pas mentionné le fait que c'est des gens qui adorent les tombes, qui insultent les sahaba, qui, par exemple, humilient complètement les sunnis, les gens qui sont sunnites là-bas, et qui les traitent comme des poubelles, en Iran. Il n'a rien mentionné de ça, c'est juste soi-disant des qualités qu'il a inventées, qui ne sont même pas des qualités en fait, parce que le fait qu'il a pris une femme ministre, ou qu'il a... Ça déjà c'est contraire à la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَنْ يَفْلِحُ قَوْمًا وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً » Un peuple ne va pas avoir le salah, le succès, s'ils mettent à une position d'autorité une femme. Donc déjà ça c'est contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est contraire à la sunna, de mettre une femme à une position d'autorité. Ça c'est un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari, ok? Donc celui qui nie ce hadith-là, ou qui rejette ce hadith-là, il rejette quelque chose qui est authentique dans l'islam, ça veut dire sa foi, il y a un problème avec. Deuxièmement, la question de démocratie, et ça, ça n'a rien à voir avec l'islam, on sait que c'est un système de kufr, que celui qui pense que les hommes peuvent décider de ce qui est légal ou illégal, et que c'est eux qui décident qu'est-ce qui est une loi, qu'ils peuvent rendre halal ou haram ce que Allah a légiféré, ça c'est contraire à l'islam. aussi. Et puis il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent là-dedans qui font que ce système-là est contraire à l'islam aussi. Donc ça c'est deux exemples. Mais tous les autres affaires qui sont bien connues et acceptées dans l'islam, comme le fait que qu'est-ce qu'ils acceptent, que les gens vont comme par exemple à Karbala et à Najaf, à chaque année ils font des gros hajj là-bas, et qu'ils vont adorer les tombes et les morts, et que quand ils ont des malheurs, ils appellent à l'aide qui? Des individus qui sont morts depuis des siècles au lieu d'appeler et de demander l'aide d'Allah seul, et qu'ils insultent Abu Bakr et Omar et les autres des sahaba et qu'ils disent que ce sont des koufars, ça c'est toutes des choses qui les font être comme parmi les gens qui sont en dehors de l'islam, comme des ulama ont expliqué. Okay, ceux qui croient en ça et qui font ça ne sont pas des musulmans, même s'ils font la prière, même s'ils se disent musulmans. Donc il n'a rien mentionné de ça, il est passé par-dessus, comme on dit. Mais quand il a parlé de l'Arabie Saoudite, comme j'ai dit la dernière fois, quand il a parlé de l'Arabie Saoudite, il n'a mentionné que des choses négatives. Et c'est comme si, quand il parle de, soi-disant, de l'Europe, de la France, il dit « Ah, la société française, il ne faut pas voir que le mal, c'est une société qui a beaucoup de bien dedans, ils ont beaucoup de bonnes valeurs, hein, et beaucoup de qualités. » Pourquoi il n'a pas dit ça de l'Arabie Saoudite? Il n'y a aucune qualité en Arabie Saoudite, aucun bien. Elle est déjà que c'est un des seuls pays musulmans où il n'y a pas de tombes qui sont adorées ouvertement par les gens. Et où tous les endroits où il y avait des endroits comme ça, où les gens allaient prier les awliya et les adorer en dehors d'Allah, ont été rasés et nivelés au niveau du sol. Où on n'accepte pas qu'il y ait l'établissement d'aucune bid'a là-bas. Hein? Donc, comment déjà ça, c'est un des plus grands biens. Hein? Et à cause de ça, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, c'est peut-être à cause de ça que Allah les a bénis par la suite avec tout ça de bonté et de bien. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les aide à être reconnaissants pour ces miséricordes et ces bontés que Allah leur a données. Et le doigt d'Abraham et tout ça. Donc, ça c'est des exemples. Mais c'est juste pour vous dire que pourquoi ces gens-là défendent le Soudan, et défendaient le Soudan, et défendaient l'Afghanistan, hein? L'Afghanistan c'est la même chose. Hein? Le chef, il explique aussi des choses qui ont rapport avec l'Afghanistan. Pourquoi ils défendent ces pays-là? Parce que c'est des pays avec lesquels ils ont des alliances. Parce qu'ils font partie du même manhaj. Et qu'ils suivent la même voie. Et donc, par alliance politique ou par alliance idéologique, ils se défendent les uns les autres. Même si c'est contre la vérité. Tu comprends? Donc c'est ça Al-Hizbiya, c'est ce que ça fait Al-Hizbiya, ça fait que les gens se défendent même dans le mensonge et la fausseté. Donc on voit, qu'est-ce qu'on a vu au Soudan par exemple? On voit qu'ils ont ouvert la porte à toutes sortes d'égarements et d'innovations. On a vu que le gouvernement soudanais essaie d'ouvrir des relations et des liens avec les Rafidas et d'ouvrir la porte au dialogue soi-disant entre les Rafidah et les musulmans là-bas. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pas un dialogue, pas des échanges économiques ou des affaires qui ont rapport avec la dunya, comme tu veux acheter des oranges ou des bananes avec l'Iran. Ça dérange pas. Tu veux échanger du pétrole, des affaires de la dunya, tu as le droit d'acheter des juifs et des chrétiens, tu as le droit d'acheter des koufars. Même des athées, t'as le droit de faire du business avec eux. Ça, c'est pas grave. Mais quand tu leur dis, on va se réunir et on va oublier nos différences religieuses et on va se réunir sur qu'est-ce qu'on est d'accord, et que tu dis que vous êtes correct, vous les chiites, vous êtes correct dans vos croyances, quand vous adorez les morts et vous insultez les sahaba et que vous dites que le Coran qu'on a actuellement n'est pas le vrai Coran, ça, c'est pas grave. On va passer par-dessus. On va se réunir sur qu'est-ce qu'on est d'accord. Est-ce qu'on a le droit de dire des choses comme ça? Mais c'est eux, ces gens-là, c'est à ça ce qu'ils appellent. Ils nient la réalité. Et les chiites, ils ont at-taqiyya. C'est-à-dire, ils montrent aux sunnites qu'est-ce que les sunnites veulent voir et entendre, et ils cachent dans leur cœur la réalité de leurs croyances. Ça, c'est un de leurs principes. Et ça fait partie de an-nifaq. Ça, c'est l'hypocrisie. Hein? Ils ont le droit de, c'est ça. Et ils montrent le contraire de ce qu'ils croient dans leur cœur. Ça, c'est nifaq. Ok? Alors, de faire de ce genre de relation-là avec les Rafidah, sur le plan de la religion, ça, c'est pas permis. Si c'est des relations, comme il y en a des Hizbines aujourd'hui, ils ont déjà regardé l'Arabie Saoudite, ils font des relations avec l'Iran, ils ont invité le président avec le roi, ils se sont réunis, puis ils ont parlé ensemble. Ça c'est diplomatique, c'est politique, ou bien c'est économique, mais ça rentre pas dans les questions de religion. Ils vont pas s'asseoir ensemble pour dire, ok, on va accepter votre croyance ou vos pratiques, qu'est-ce que vous faites, c'est correct, puis nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est correct. Non! Jamais de la vie. C'est pas comme ça. C'est pas sur les questions religieuses. Yarhamkallah. C'est comme les chrétiens. Ils ont, les Soudanais et le gouvernement soudanais, ils ont appelé au dialogue avec les chrétiens et les juifs. Donc c'est pour dire quoi? Vous n'êtes pas des koufars. Vous, les juifs et les chrétiens, vous n'êtes pas des koufars. Vous êtes nos frères. On est d'accord sur la foi en Dieu et on va se réunir et on va oublier nos différences. C'est à ça qu'ils appellent quand ils parlent de dialogue interreligieux. Et ça, c'est haram d'appeler à ces choses-là. C'est des idéologies qui sont contraires à l'islam. Ils veulent faire quoi? Non, tu veux l'allumer. Oui. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire comment ils appellent ça? Tawhid al-adyan. De réunir toutes les religions pour en faire une seule. C'est ça. C'est-à-dire, on va faire les religions ibrahimiques, c'est-à-dire toutes les religions qui se retournent à Abraham, on va dire qu'on est tous ensemble et on a la même religion. C'est-à-dire, on est une seule religion, on est tous réunis ensemble. Alors que la religion d'Ibrahim, c'était quoi? C'était l'islam. Alors, ces gens-là sont menteurs, tu vois. Donc, pour clarifier aux musulmans et aux jeunes en particulier que ces glorifications de ces gouvernements-là, c'est basé sur le mensonge, il fallait clarifier ces choses-là. D'accord? Et il donne l'exemple de l'Afghanistan. Il dit maintenant, ils disent que l'Afghanistan, parce que pas aujourd'hui, mais à l'époque, ça c'était quand ils avaient chassé les communistes et qu'ils ont soi-disant pris le contrôle de Kaboul. Quand c'est arrivé la nouvelle de ça, tout le monde était content et se réjouissait de cette nouvelle-là. Et là, on disait, ça y est, ils vont établir un État islamique, puis ils vont appliquer la charia, puis ça va être un khilafa et tout ça. Et il y a des gens qui exagéraient à ce sujet-là. Le chef, il dit, premièrement, la guerre qui est arrivée, ou le combat qui a eu lieu en Afghanistan, c'était pour combattre les communistes. Deuxièmement, aussitôt qu'ils ont, soi-disant, chassé les communistes, ils ont commencé à se battre entre eux pour savoir lequel des groupes va prendre le pouvoir. C'était pas dans le but pour amener un bien à la Ummah, ou pour amener un bien pour l'islam, ou pour établir le jugement d'Allah, aucun de ces raisons-là. Uniquement pour savoir qui va s'asseoir sur le trône et qui va avoir le pouvoir. Donc, ils voulaient tous essayer d'avoir le dessus sur l'autre. Et c'est ça ce qui est arrivé après. Chaque groupe, qui soi-disant étaient parmi les groupes qui suivaient différents chefs parmi les groupes en Afghanistan, ils ont tous commencé à se battre les uns contre les autres. Et on voit que, qu'est-ce qui est arrivé dans tous les côtés, ils se sont ralliés aux communistes, aux partis communistes, aux groupes de Bataniyin, des Ismaélites et d'autres, et aux groupes de Shia et aux laïcs même. Et ils se sont réunis avec eux pour soi-disant arriver à leur objectif. Donc il dit, est-ce qu'on peut espérer de gens qui agissent comme ça, est-ce qu'on peut espérer de eux qu'ils vont établir soi-disant du bien, ou qu'ils vont amener du bien, est-ce qu'on peut espérer du bien d'un tel gouvernement? Parce que le cheikh il dit que ça c'était, cette parole-là ça a été dit au moment où un groupe en Afghanistan qui était sur la tendance des Ikhwan combattait un autre groupe qui était sur la tendance des Ikhwan. إذ أهل النقد عندنا يهيجون على دولة إسلامية عندها أخطاء لا يتكلمون على هذه الأوضاع ولا يقولون هذه الحقيقة أبدا. لماذا؟ لأن بينهم روابط حزبية، هذه الروابط والوشائج بينهم وبين حكومة السودان وبين حكومة أفغانستان هي التي ترخص ألسنتهم وتسكتهم وتحول بينهم وبين أن يقولوا الحقيقة، والحقيقة قد يقولوها يعني قد يقولها الكافر والمسلم، ولكن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا شيئا من هذه الحقائق. لماذا؟ لأن هناك روابط حزبية بين هؤلاء المشهرين والمشاهدين وبين هؤلاء الحكام المنحرفين البعيدين كل البعد عن عقائد الإسلام وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح، بعيدين عن هذه الأمور، ولا يمكن أن يخطر ببالك إلا محاربتها وذبح أهلها. وإذا خطر شيء من منهج السلف أو الكتاب والسنة بأذهانهم فمعنى ذلك أن يتجهوا إلى أهل كنر فيذبحوهم، ويتجهوا إلى مساجد أنصار السنة في السودان فيتسولوا عليها، عرفتم؟ أما إذا مشوا على طبيعتهم فإنك ما تقرأ إلا التحالفات مع أعداء الله ومع الروافد ومع النصارى، هل يجوز أن نسكت على مؤتمر وحدة الأديان؟ Le cheikh il dit donc c'est ça. Il dit qu'est-ce qui les empêche, ces hizbiyyins qui étaient en Arabie Saoudite à l'époque, qu'est-ce qui les empêchait de critiquer de mentionner les réalités de ce qu'il y avait dans ces pays-là, comme le Soudan et l'Afghanistan à l'époque? C'est parce qu'ils ont des liens de partisans, de partisantisme entre eux. Et donc, il dit la réalité, le musulman peut la dire, même le non-musulman peut la dire au sujet de ces pays-là. Mais eux ne peuvent pas la dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des liens de partisanisme entre eux qui les empêchent de dire la réalité à leur sujet. Hein? Donc, alors que la réalité, c'est que ces endroits-là ou ces pays-là étaient loin de la réalité de la croyance islamique et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du manhaj des salaf salih. Et il dit, lorsque ils pensent à quoi que ce soit, quand dans ces pays-là il y a quoi que ce soit qui se passe avec le manhaj des salaf ou le Coran et la Sunna, on voit qu'est-ce que c'est comme la réaction ou la conséquence de ça, comme c'est arrivé en Afghanistan justement, puis au Soudan. Par exemple, au Soudan, en Afghanistan, il y avait les gens de Kunar. Kunar, c'est une région en Afghanistan où un des chouyoukh là-bas, Jamil al-Rahman, il avait établi dans sa région la charia. Il jugeait selon l'islam et selon la charia, et il avait ouvert jusqu'à 200 écoles islamiques. Et il enseignait Kitab al-Tawhid, al-Qawa'id al-Arba'a, al-Aqidat al-Salaf. Et bien tous les autres groupes, les Ikhwan qui étaient là-bas, qui soi-disant faisaient le djihad contre les chouyouïens, contre les communistes, ils se sont tous arrangés contre Jamil al-Rahman et puis sont allés le tuer. D'accord? Donc c'est pour vous dire pourquoi, soi-disant, s'ils sont pour établir un État islamique, comment ça se fait quand Jamil al-Rahman a établi la charia dans sa région et quand il a ouvert des écoles qui enseignent aux gens le tawhid, ils sont allés puis ils sont allés le tuer. Et ça c'est quelque chose qui est connu, mais aucun d'entre eux n'en parle. Hein, parce qu'ils le savent très bien, les trahisons qu'ils ont fait là-bas. La même chose pour les Ansar Sunna au Soudan. Ils donnent la liberté à tout le monde, les soufis, les jeunes bid'a au Soudan, ils peuvent tous faire qu'est-ce qu'ils veulent. Même les chiites peuvent venir ouvrir des centres pour appeler les gens à devenir des chiites. Et les chrétiens, les juifs peuvent, les chrétiens peuvent ouvrir des églises et appeler les gens au christianisme. Et ils ont la liberté soi-disant. Mais les mosquées où il y a les gens qui appellent au manhaj des salaf, au tawhid et à l'aqidah comme Ansar Sunna au Soudan, eh bien ils leur donnent des problèmes et ils leur rendent la vie difficile. Donc c'est pour voir que ces gens-là, ils se font des liens, et même ici, même à Montréal, tu les vois. Aujourd'hui à Montréal, il y a des groupes de ces gens-là parmi les Ikhwan, maintenant c'est rendu qu'ils se disent même laïcs et qu'ils appellent les musulmans à la laïcité et à la démocratie et à accepter toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam, hein, au nom de l'islam. Et donc ils s'allient avec, ils font des alliances avec des partis communistes, avec des partis socialistes, avec des partis laïcs, et ils disent que on a des choses en commun qui nous réunissent. Il faut donc s'unir sur qu'est-ce qu'on est d'accord, et il faut négliger les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Hein. Donc ça c'est des exemples. Comment ils s'allient avec les ennemis de l'islam sur un plan islamique, Et ils disent que l'islam n'est pas contre la laïcité, l'islam n'est pas contre la démocratie, l'islam n'est pas contre ci, n'est pas contre ça. Et ils mentent à ce sujet-là. Ils mentent au sujet du Coran, au sujet de la Sunna et au sujet de l'islam. Hein? Et ils utilisent l'ignorance des non-musulmans pour les tromper, et l'ignorance des musulmans aussi pour les tromper, et aussi la malhonnêteté des koufars. Parce que c'est dans l'intérêt des koufars d'appeler les musulmans à ces choses-là pour les égarer et puis les faire sortir de l'islam. Hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا » Ils vont continuer à vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent sortir de votre religion s'ils sont capables. Et il y a plein de versets comme ça dans le Coran. Donc ça c'est la malhonnêteté de ces gens-là, yani, qui aujourd'hui se sont ralliés avec eux. Et ils ont même publié aux États-Unis une recherche qu'ils ont fait, hein, qui s'appelle Democratic Islam. Ils veulent créer un islam démocratique, qui est en accord avec leurs idées et leurs principes. Et dans cette recherche-là, tu vois clairement comment ils utilisent les divergences qui existent entre certaines tendances parmi les musulmans, parce qu'eux, ils les divisent pas par, ils ne divisent pas les musulmans par rapport au groupe, par rapport au manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais ils les divisent en catégories par rapport à leurs principes à eux et leur société à eux ou leurs idéologies à eux. Donc ils mettent les fondamentalistes, après les traditionalistes, après les modernistes et après les laïcs. C'est comme ça qu'ils les divisent les musulmans. Et puis ils disent on va utiliser les modernistes parce qu'eux sont de notre côté, ils acceptent nos valeurs, et on va les mettre contre les fondamentalistes, puis les traditionalistes, on va essayer de les mettre de notre côté, puis les sécularistes aussi, puisqu'ils sont déjà d'accord avec nous. Donc ils jouent comme ça, ils disent par exemple, on va donner la place dans les mass médias aux modernistes, pour qu'ils aient le champ libre pour prêcher leur islam et leur version de l'islam pour que ils ont un accès à la masse, à l'opinion populaire. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître dans les chaînes arabes, dans les satellites arabes dernièrement, des prêcheurs soi-disant, qui sont des prêcheurs soi-disant islamiques, mais qui n'ont pas de barbe, qui ont des cravates, veston cravate, et qui disent, nous on appelle à l'islam. Et ils disent des choses contraires à l'islam. Comme Amr Khalid et d'autres de cette catégorie-là, qui appellent à des choses qui sont vraiment des égarements clairs. Hein. Et donc, ils veulent mettre de l'avant cette catégorie-là. L'islam soufi aussi. Hein, ils mettent de l'avant les soufis, parce que les soufis, bien entendu, ils acceptent tout. Donc, ça fait leur affaire. Donc, ils mettent de l'avant ces gens-là, et puis ils salissent le plus possible l'image de ce qu'ils appellent les salafistes, hein, ceux qui appellent à l'islam, kitab, sunna, wa la voie des sahaba, salaf salih. Et ils les appellent des wahhabiyya, l'islam saoudien, etc. Ça c'est l'ennemi public numéro un, il faut les salir, il faut mettre leur image le plus laid possible, hein, et les relier aux terroristes si on est capable, pour créer des liens imaginaires qui n'existent pas, yani, alors que c'est souvent ces modernistes-là, ceux qu'ils présentent comme étant des modernistes, qui sont reliés aux terroristes. La réalité, c'est ça. Et ils le cachent, alors qu'ils le savent. Parce que c'est eux qui les financent et qui les organisent. Donc, ça c'est des exemples, ok? Donc, le cheikh, il dit, « Dawla tahmil shi'ar al-islam min 50 sana, taqul lil-umma kullaha, innaha satuqim shari'at Allah. » فلما قامت هذه الدولة بدأت تتعاطف مع الروافض وبدأت تتعاطف مع النصارى وتزور هذا البلد وذاك البلدان وذاك من البلدان من بلدان النصارى وتتملق أمام الدول النصرانية وتقول لهم إننا إخوانكم إننا نلتقي معكم في كثير من المبادئ السماوية وإننا نحن أقدر على تطبيق الديمقراطية أفيجوز السكوت على مثل هذا الدجل وهذا التحريف وكل يوم تشاد القبور وتقام عليها الاحتفالات من قبل السلطات وهذه من قبل سلطات هذه الدول الدولة الإسلامية التي تنعقد عليها آمال كثير من الجهلة بأنها هي نواة الخلافة الإسلامية وحدث ولا حرج عما يجري في أفغانستان والعياذ بالله. En Afghanistan, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Les gens, walaykoum salam, les gens, ils bâtissaient les tombes et ils adoraient les tombes en Afghanistan, puis, soi-disant, ils étaient en train de faire le djihad. Quel djihad ils font? S'ils sont en train de faire le shirk et d'appeler les gens au shirk. Djihad, c'est pour établir le tawhid, pour i'la kalimatillah. Hein? Exactement, par le tawhid d'abord. Donc, yani, on va voir des exemples de ça que le chef va mentionner. Donc, il dit, ce pays-là, je pense qu'il parle du Soudan, il dit, ils ont levé le slogan de l'islam depuis 50 ans. Il dit à la Oumma, on va établir la charia, on va établir la charia. Et donc, une fois que soi-disant ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont établi leur soi-disant leur état, elle commence à avoir des liens avec les Rawafid sur le plan de la religion, et elle commence à se pencher vers les chrétiens et à visiter les pays chrétiens et à dire aux chrétiens, nous sommes vos frères, nous sommes d'accord avec vous sur plein de principes, hein, et donc ils disent, on est très capable d'établir la démocratie et des choses de ce genre. Il y en a un dernièrement, un des imams de Montréal, qui n'est pas ici depuis longtemps, mais qui commence à entrer dans ces affaires de dialogue avec les chrétiens et les juifs. Dernièrement, il est allé dans un centre, le centre Hilal, le centre des juifs à côté de l'Université de Montréal. Il a fait un dialogue, soi-disant, avec les juifs là-bas. Ils ont invité un rabbin. Ils ont invité, et lui, il est venu comme, en tant qu'imam, ils ont ramené les étudiants, l'association étudiante des musulmans, et les juifs, les étudiants juifs, puis chacun leur tour, l'imam, il a parlé aux gens, et puis après le rabbin, il a parlé aux gens. Et puis, il a dit, l'imam, soi-disant l'imam, il a dit, on a 95% de choses sur lesquelles on est d'accord, et 5% sur lesquelles on n'est pas d'accord. Donc, pourquoi on va, disons, se disputer ou se diviser à cause de 5%, hein? Il dit c'est facile de détruire, mais construire c'est très difficile, donc il dit il faut construire. Moi je lui demande à celui-là, c'est quoi le 5% là sur lesquels on est en désaccord, c'est quoi? C'est le tawhid, c'est la foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi au Coran. Hein, donc construire quoi? Il dit on veut construire des ponts. Quel pont? On veut construire entre Al-Haq ou Al-Batil, on va construire des ponts? Quel pont on va construire? Hein, donc c'est ça. Après le juif, qu'est-ce qu'il a dit? Le rabbin, il a dit le christianisme et l'islam ont pris leur source et leur origine dans la religion juive. Ça c'est grave ça. Et il n'y a personne qui dit rien. On est soi-disant, il faut se réunir et être des frères. Hein? Donc, ça c'est vraiment une forme de telbis, c'est une forme de trahison, de parler de cette façon-là et de dire des choses pareilles. Et de dire qu'il y a des choses qui nous réunissent. Moi, une fois j'étais dans une réunion, comme j'avais expliqué l'autre fois, avec les chrétiens, les chrétiens sont venus pour parler, et il y avait deux soufis qui étaient là. Moi, j'étais venu pour expliquer l'islam. Les chrétiens étaient là, il y avait un prêtre, il y avait un groupe de chrétiens qui étaient là, ils écoutaient. Et quand j'ai commencé à expliquer que dans l'islam, on n'a pas le droit de se prosterner devant un être humain, on n'a pas le droit d'adorer un être humain, walaykoum salam, les deux soufis qui étaient là, ils se sont fâchés et ils ont dit, pourquoi tu parles de ce qui nous divise, parle de ce qui nous unit. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui va nous unir? C'est le shirk qui nous divise, c'est pas autre chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Quraysh, et quand il est venu aux Juifs, à Médine, il leur a dit, aslimu taslimu. Il a dit, qulu la ilaha illallah tuflihu. Il leur a pas dit, il s'est pas assis avec Quraysh pour dire, on va faire un dialogue, entre vous et nous. Puis, qu'est-ce que vous êtes, on va se mettre d'accord sur certaines, sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Parce que on a beaucoup de choses en commun, vous, les mouchriquins, et nous, les musulmans. Donc, on va arrêter les guerres, on va arrêter les disputes, on va arrêter les problèmes, puis on va se mettre d'accord qu'on va dire chacun sa religion, hein, on va trouver une solution. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عليكم السلام ورحمة الله. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est batil. Et le seul vrai qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul, le créateur de l'univers. Et vous êtes dans l'égarement. Et si vous mourrez dans cet état, vous allez être du combustible pour l'enfer. C'est ce qu'il a dit. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est ça l'islam. Et même, surat al-Kafirun. Pourquoi Allah il a révélé surat al-Kafirun? Parce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année, on va adorer Allah avec toi, puis l'autre année, tu vas adorer avec nous nos idoles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sourate. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَبِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Ouais. Ouais, il y en a des gens qui donnent ce verset-là dans le sens contraire. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. C'est-à-dire, toi, t'as ta religion, elle est vraie, puis moi, j'ai ma religion, elle est vraie, puis tout le monde en est content. Ça, c'est pas ça que ça veut dire, la Kundinukum Moliadin. Toi, ta religion, elle est fausse. Si tu veux pas accepter la vérité, reste dans ta fausseté, reste dans ton mensonge. Moi, j'ai ma religion, c'est la vérité. J'adore pas ce que tu adores. Moi, j'adore Allah, le Créateur. Toi, tu adores une vache, t'adores un singe, t'adores un être humain, t'adores un prophète, t'adores une idole, t'adores un arbre, t'adores la lune, t'adores le soleil. Moi, j'adore pas ces choses-là. J'adore Allah, subhanahu wa ta'ala, le Créateur. C'est ça le tawhid. C'est pour ça que les mouchriquins, ils ont détesté le message de l'islam. Pas par racisme, pas par fierté, pas par autre chose, juste parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on rejette leurs idoles. Et qu'on refuse d'adorer ce qu'ils adorent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Sache, ce verset-là qui veut dire, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à ce que tu suives leur religion, ça implique quoi? Ça implique que s'ils sont satisfaits de toi, s'ils sont satisfaits de toi, ça implique quoi? Ça implique que tu as suivi leur religion, que tu as suivi quelque chose qui les a fait plaisir. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en d'autres moments, ils vont jamais être satisfaits de toi. Hein? Quand tu vois des fois, il y a des koufars qui viennent me parler, ils me disent, ah, moi j'ai des amis musulmans, ils sont très corrects. Ils sont très ouverts, hein, j'ai pas de problème. Est-ce qu'ils vous ont dit la réalité? Est-ce qu'ils vous ont dit les choses de l'islam? C'est parce que vous vous êtes mis d'accord pour dire, il y a des musulmans comme ça. Ils disent aux koufars, ah, oh, nous, on est ouvert, on accepte tout, on tolère tout, on est d'accord avec tout. Et ils dénoncent pas le shirk. Donc, être musulman, ça veut pas juste dire aimer Allah, aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimer l'islam, aimer le Coran. Mais ça veut dire que tu dois t'opposer à tout ce qui est faux. Tu peux pas aimer la vérité et défendre la vérité et aimer le mensonge et défendre le mensonge en même temps. Soit que tu aimes la vérité, que tu la défends et que tu t'opposes au mensonge, mais si tu dis j'accepte le mensonge et ceux qui défendent le mensonge et je les aime autant que ceux qui aiment la vérité et qui défendent la vérité, ça c'est une contradiction. Hein? Mais ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent pas. C'est comme la sunna, la même chose. Tu dis, tu penses que être sunni, ça veut dire que tu suis la sunna, puis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis que tu suis son exemple. Sauf que tu dénonces pas la bid'a, et que tu défends et tu supportes les gens qui font la bid'a. Donc comment tu peux dire que tu es sunni alors que tu aimes ceux qui font la bid'a? Ça veut dire que t'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire être un sunni. Hein? Être sunni, ça veut pas juste dire je fais la sunna, parce qu'il y a des gens qui m'ont, il y a un gars qui me voit, il m'a dit, mais tous les musulmans suivent la sunna. C'est vrai, tous les soufis, ils disent on suit la sunna, les chiites, ils disent on suit la sunna, les mu'tazila, ils disent on suit la sunna. C'est bien beau de suivre la sunna, mais c'est quoi leur position face à la bid'a? S'ils défendent la sunna, s'ils défendent la bid'a, ou qu'ils défendent les gens qui font les bid'a, et qui les aime et qui se fâche pour eux quand tu les critiques devant eux, et bien ça veut dire, elle est où leur amour pour la sunna, elle est où leur position vis-à-vis de la sunna. Donc ça c'est un autre exemple et un autre problème de, qui montre la mauvaise compréhension de beaucoup de musulmans face à ces choses-là. Donc le cheikh il dit on n'a pas le droit de se taire devant ces choses-là. Il dit chaque jour tu les vois en train d'établir ou de construire des bâtiments sur les tombes, et tu les vois chaque jour en train de faire des fêtes pour célébrer la fête de ces soi-disant awliya, hein, de la part des autorités de ces pays-là, hein, et de la part de ces gens-là. Donc il y a des gens ignorants qui croient que c'est de ces endroits-là qu'il va y avoir un État islamique qui va naître. Hein. Et donc il dit, en ce qui concerne l'Afghanistan, tu peux donner plein d'exemples comme ça, comme on a dit tout à l'heure. « وَهَلْ تَرَوْنَ أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا بَيْنَ دَوْلَةٍ قَامَتْ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالسُنَّةِ فِيهَا ظَاهِرَةٍ وَالْبِدَعْ فِيهَا مَكْبُوتَةٍ وَالْحَقِّ فِيهَا مَرْفُوعٍ وَالْمَنَاهِجْ فِيهَا عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ وَإِنْ كَانُوا عِنْدَهَا ذُنُوبٌ وَمُخَالَفَاتٌ وبين دول لا تعرف هذا إلا إذا فكرت في حربهم. الشيخ يقول: est-ce que vous comprenez pas ou vous voyez pas qu'il y a une différence entre un État ou un pays musulman qui est établi sur le tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la sunna dans ce pays-là, elle est apparente et elle est établie, et que les gens de bid'a sont humiliés et rabaissés, et que la vérité est élevée dedans, et que les programmes et les systèmes là-bas est basé sur la voie des salafs, hein, la voie des salafs salih, hein. Même s'il y a des péchés et des contradictions, des choses incorrectes qui se passent dedans, ça ne veut pas dire qu'il est parfait à 100%, c'est pas des anges, c'est pas des êtres parfaits, il y en a toujours des péchés, il y en a toujours eu, donc ça c'est normal. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un pays qui, tel qu'on l'a décrit, et celui qui établit des bédards et qui défend les gens qui adorent les tombes et qui établit des formes de shirkiyat et des choses qui sont contraires à la sunna et qui juge par autre que la loi d'Allah, hein, des choses de ce genre. Donc ça c'est, il n'y a pas de comparaison entre les deux. فهل يستطيع أحدنا الآن أن يقنع دولة السودان بإدخال كتاب التوحيد والأصول الثلاثة في مدارسهم؟ ومن يستطيع أن يقنع لنا برهاني وحكمتيار وأحمد شاه مسعود بإدخال الأصول الثلاثة في مدارس أفغانستان قبل أن تقوم لهم دولة وقبل أن يمشخوا بأنوفهم طبع لهم بعض أهل الخير ألوف من الأصول الثلاثة ومن غيرها وتقدم بها إلى مكتب سياف وقال هذه هدية لطلاب العلم هناك كتابان تبع منهما فيها ألوف النسخ فجاء التقدير من الكتابين أو أن الكتابين جيدان ولكنهما يخالفان عقيدتنا فرفضوا أن يأخذوا الكتابين فاضطر هذا المحسن الكريم أن يأخذ كتبه ويؤديها إلى أهلها وهي مدارس جميل الرحمن فأخذها فأخذوها بشرف ونهم لأنها عقيدتهم ودينهم ومنهجهم ولله الحمد. أما حكمة يار فلم يقبل أبدا بل ذبح أهل التوحيد وأهل السنة من أجل توحيدهم ومن أجل التزامهم بالسنة ومن أجل تطبيقهم لشريعة الله عز وجل. هذا الفرق بين هذا وذاك أيها الإخوة بارك الله فيكم. Donc le chef il dit, donc est-ce que aujourd'hui tu peux arriver à convaincre l'État du Soudan de faire rentrer dans leurs écoles Kitab al-Tawhid ou al-Usul al-Thalatha dans leurs écoles pour enseigner ça aux musulmans? Est-ce que tu peux convaincre Burhani, Hikmatyar, et il y en a parmi eux qui sont morts maintenant, de faire rentrer le livre Al-Usul al-Thalatha, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans leurs écoles en Afghanistan? Le Cheikh, il dit, avant qu'ils aient un État, il dit, il y a un homme qui était généreux, qui a fait qui a fait imprimer des milliers de copies de deux livres, Al-Usul al-Thalatha et Kitab al-Tawhid. Okay. Il les a amenés au bureau de Sayyaf. C'était un des chefs des gens qui faisaient la guerre contre les communistes à l'époque en Afghanistan. Ils ont donné ça comme cadeau pour les jeunes étudiants qui veulent étudier l'islam là-bas. Ils ont amené des milliers de copies. Et le bureau de Sayyaf a décidé que c'était un bon livre, mais qui était en contradiction avec leurs croyances. Pourquoi? Parce que ce sont des maturidiyas. Ils sont pas sur la aqida des salafs là-bas. Et c'est des gens qui adorent les tombes et des choses de ce genre. Donc, ça c'est en Afghanistan. Donc, il dit, ce chef-là, cette personne-là qui a vu que ces livres-là ont été refusés, il les a amenés à Jamil al-Rahman, à Kunar, celui que j'ai dit tout à l'heure que dans sa région, il avait établi la charia, et il avait ouvert juste plus que 200 écoles islamiques, et qu'il a enseigné dans ces écoles-là Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha et d'autres livres pour expliquer aux gens l'aqidah et le manhaj. Eh bien, lui, il les a acceptés, parce que c'est ça leur aqidah, c'est ça leur manhaj, hein, le Tawhid et la Sunna. Mais Hikmatyar, lui, il l'a refusé complètement. Et lui, il a même combattu les gens du Tawhid et les gens de la Sunna, à cause de leur Tawhid, à cause qu'ils sont contre les gens qui adorent les tombes et des choses comme ça. Et à cause du fait qu'ils appliquent la sunna et qu'ils veulent appliquer la charia d'Allah. Donc c'est ça la différence entre ces gens-là. Donc, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on terminera le livre mercredi prochain, Inch'Allah ta'ala, parce que c'est, il nous reste seulement 3 ou 4 pages à lire, puis on aura terminé, Inch'Allah, donc, وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك